chapitre. Si on est adulte, c'est bien pour décrocher le titre. Fierté arbitre qui s'accroche à leur poutre. Leur piste dans ta sanglasse, on en a rien à foutre. Rap conscient, militant, n'est pas des militaires. J'rappe confiant, les hypocrites ont les fait taire. Quand j'prends le microphone, ce n'est plus un jeu. Puisqu'on dit ce qu'on pense alors, on est forcément dangereux. C'est danger, danger, c'est le premier qu'on vient venger. Régularisation de tous les étrangers. Bougez, reculez avant qu'on vienne vous étrangler. J'avais qui s'inscrit, est écrit pour la rappeler. On traite pas les fans d'oraclis, mort sous gros, c'est la bombe dans ton colis. Sous des gants magoliers, on n'est pas devenu écrit. On a de l'espoir, espoir se connecte, tu connais notre histoire. Les mecs, ça sert son bar. Et les pseudos bandits font rire, surtout quand ils se mettent à croire. Qu'avec leur épidon, tous ces connards déchirent. Puero que se va la rima, tocamos el ritmo de onda. Oye, oye, avis à la populace. Si vous ne voulez pas voir se noyer la tolérance, veuillez déployer les moyens pour sortir la bulle de son coma. Car depuis le 6 mai 2013, c'est un coma. L'heure avec un petit verre de misère marche au pas sur un air militaire 53% d'amnésique. Et Marianne en sur son t-shirt. Alors America, la République sera terrible. Venons voir sur verbatim. Vous pouvez créer des sourds, boîte comme verbatim. Le message est clair. Pas du tout léger. La vérité doit parler, condamnons que j'ai gêné. No pasarán, carnalitos, no nos moverán. Quien cabrón le va a contestar, cadaritos. No me llamo Carlos Puebla, pero con el pueblo damos huelga. Fuerza de respeto y escuela al texto. Esta dura prueba de toda esta pura mierda. Oye, tengo la camisa negra, palabra de los guerrilleros y la resistencia. Oye, cálmate, maricones, la existencia. Y cállate con Babilón, puedes ver la evidencia. Mi Francia se mueve con la mierda, se fuma como la hierba. Muere como la justicia, la ley. Venga, hermano. Y la faut que le message passe. Bon juge, on te coulera. Et moi, c'est l'outil dans la l'air. Compirons le contrat. Faut que le message passe. On peut voir tes débats si ready, hardcore reality. On se doit d'insister dans la vie, c'est aussi. Faut que le message passe. Como nos padres y nos hijos unidos. Como los mismos hombres y reflejos. Faut que le message passe. Sur le chemin qu'on emprunte, la mort sur les traces et traces. Dans la neige ou bien la crasse. On se guère beaucoup à Fabula. Extirpé de ta bulle, tu verras mieux aux alentours. N'hésite pas à prendre le recul qu'il te faut. Enfin, de résister au macabélisme presque. Qui consiste à ce que les puissants soient les seuls à informer les seuls, cultiver l'accès et tout restreindre à ceux qui possèdent les mêmes destins. Bon, on va essayer, bien essayer assez pour que les massifs sont lassés. Les discours officiels, même les sciences sont controversées. Les données qu'on nous fournit se perdent dans les débats d'idées. Tous ces jours en sourdine et le peuple n'a rien validé. Bien obligé de consolider nos positions. Retour à vérité, à l'investigation. Tant que la précarité touffe la norme, tant que l'inégalité touchera l'homme, t'auras la parité car autant d'être en face. Tant prêt à lutter pour que le message passe. Tant que les élites seront méprisantes, la monnaie l'épicentre du carnage et d'aboutissement. Tant que les autorités seront affligeantes, j'aurai ces rimes qui viennent gifler l'établissement. Tant qu'on se loge, ce sera la guerre, que nos salaires se donnent à la trique. Tant qu'en France l'aide alimentaire sera une nécessité. Malgré la peur, ils vivraient une date de validité. Mon message passera par ces plus longues j'en éviter. Tant que le message passe. Bon juge, on te comprendra, et moi c'est le plus dans la l'air, compirons le contrat. Faut que le message passe. Que mes débats soient informés. Time quand tout le monde soit de mobiliser tous nos refrains. Faut que le message passe. Como los mayas y los masa en la batalla. Pero hoy se pasa sobre la mesa. Faut que le message passe. Par tous les moyens nécessaires. C'est par la parole qu'on abattra nos adversaires. Cette feuille blanche, j'écris ce que je pense et qu'est-ce qui se passe. Faut que le message passe. Au bout de chaque état, cherche les mots qui les fouraillent. Sans cesser dans le cahier, je peux entendre des fans brailler. Et pour ça, je fais des débats de toutes mes forces, de toutes mes phrases. Frappe comme un poing sur le torse. La morsure est du chaque thème. La motivation est la même contre le système. Je sais que t'as pris le système. Dans ce monde, on te dit marche ou crève. Alors je marche pour les mes rêves. Je marche pour tout ce que j'aime. En espérant un monde meilleur. On se nie MC Toaster pour remettre les pendules à l'heure. Comme une horde nous sans peur. On agit avec ton cœur. Plus de joie ou de rancœur, c'est grâce au rap. Que je soulage ma douleur. Faut que le message passe. Bon juge, on te prend le bras. Et moi c'est le plus dans la l'air. Compirons le contrat. pour que le message passe. Overworld and Evasive Ready Out Core Reality. On se doit d'insister lors d'un abysme aussi. Pour que le message passe. Como nos padres y nos hijos unidos, como los mismos hombres y reflejos. Pour que le message passe. Sur les chemins qu'on emprunte, la mort sur les traces et traces. Dans la neige ou bien la crasse. Pour que le message passe. Faut juger tout pour le bras et monter le plus dans la l'air. Rompirons le contrat. Faut que le message passe. Que les massifs soient informés. Time quand tu nous montres le mauvais désir, tu nous refais. Faut que le message passe. Como los mayas y los masas en la batalla. Pero oye que pasa sobre la mesa. Faut que le message passe. Par tous les moyens nécessaires. C'est par la parole qu'on abattra nos adversaires.